Merci Adrien Bossard, on vous retrouve pour le flash de 22h. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Sarajevo, mon amour, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Il y a des jours où il vaudrait mieux suivre son intuition et écouter les mises en garde. C'est peut-être ce que l'archiduc François Ferdinand a eu le temps de penser, l'espace d'un instant, juste avant de mourir, assassiné le 28 juin 1914 à Sarajevo. On le sait, les deux coups de pistolet tirés par le nationaliste serbe Gavrilo Princip ce jour-là n'ont pas tué seulement l'héritier du trône des Habsbourg et son épouse, mais aussi par ricochet 10 millions d'hommes et de femmes en déclenchant la Première Guerre mondiale quelques semaines plus tard. À regarder attentivement les événements des semaines, des jours, des minutes même qui ont précédé la mort de ce prince qui ne voulait pas régner et qui désirait la paix, comment ne pas penser que cet attentat, fruit de multiples hasards mais aussi de graves négligences, aurait pu être évité. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Bonsoir Jean-Yves Le Naour. Bonsoir Stéphanie Duncan. Ravie de vous retrouver en ce début d'année 2021. Vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale et pour notre plus grand plaisir, c'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, le prince qui, s'il n'était pas mort le 28 juin 1914, serait sans doute devenu empereur d'Autriche-Hongrie, comme son oncle. On a tous appris à l'école que cet événement a provoqué en chaîne le déclenchement de la Première Guerre mondiale, mais du coup, l'événement lui-même a été un peu minimisé, et donc c'est vrai que deux morts face aux 10 millions qui suivront, c'est peu. Et grâce à vous, donc, on va découvrir les événements qui ont conduit à cet attentat qui aurait peut-être pu être évité. Oui, je crois que vous l'avez rappelé à l'instant, l'histoire, c'est pas une trajectoire, c'est pas une autoroute, c'est pas une ligne droite. Il y a des accidents, il y a des événements qui perturbent, qui peuvent bousculer l'histoire, et cet assassinat, ben, c'est l'exemple type. Oui, je sais bien qu'il y a des forces profondes. On a souvent présenté cet événement comme pas un événement important, comme une espèce d'étincelle, ça aurait pu être autre chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant longtemps, il y a la domination d'une histoire constructiviste, avec des forces profondes, des forces économiques, des forces politiques, des forces souterraines, qui, avec une sorte de mécanique qui faisait que, cette histoire était inscrite et attentat de Sarajevo ou pas, il y aurait eu la guerre, il y avait ces forces qui étaient à l'œuvre. Ces forces existent quand même. Alors, ces forces, elles existent. Mais comme il disait Deng Xiaoping pendant la guerre froide, dans les années 70, il disait, la guerre entre l'Est et l'Ouest est inévitable. Elle est inévitable aujourd'hui. Donc notre rôle à nous, c'est de la différer jusqu'au jour où on pourra l'éviter définitivement. Alors l'héritier du trône des Habsbourg, c'est donc François Ferdinand. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'Empire austro-hongrois en 1914? Donc on est à la veille de la Première Guerre mondiale, on ne sait pas qu'il y a la guerre qui va arriver, mais c'est cet empire qui va s'écrouler, ça ressemble? Oui, alors c'est très étrange parce que au début du XXe siècle, Vienne, c'est une des grandes capitales. Il y a Londres, Paris, Vienne, et c'est à la fois la modernité, il y a la psychanalyse qui s'éveille, la musique, la littérature, c'est vraiment un immense empire, 50 millions d'habitants. Une grande ville, oui, effectivement. Oui, bien sûr. Et en même temps, qu'est-ce que c'est? C'est un empire issu de l'ancien régime qui paraît complètement sclérosé et qui n'arrive pas à affronter cette idéologie qui est apparue au 19e siècle, qui est le nationalisme et qui menace l'Autriche-Hongrie d'explosion. Parce que le problème de l'Autriche-Hongrie, c'est un empire multiséculaire, mais aussi multinational. Donc il est travaillé par les nationalismes. Il y a des Italiens, des Autrichiens, bien sûr, des Allemands, des Tchèques, des Slovaques, des Ruthènes, des Ukrainiens, des Hongrois, des Roumains, des Serbes, des Bosniaques, des Slovènes, des Croates. Oui. Et le problème, c'est quand ils sont travaillés par le sentiment national, l'empire risque d'exploser. Et qui règne à la tête de cet empire ? Alors c'est François-Joseph, c'est le règne le plus long de l'Empire austro-hongrois depuis 1848. Il avait 18 ans, il a donc 84 ans en 1914. Oui, il est né en 1830, c'est incroyable. Oui, et il incarne vraiment l'Autriche-Hongrie. On peut dire qu'il y a vraiment un sentiment de fidélité, de loyauté de tous les sujets austro-hongrois envers leur vieil empereur. Ils l'ont toujours connu. Il y a ce sentiment d'affection, mais on sait qu'il va disparaître et avec lui, c'est un nouveau monde qui naîtra. Donc il y a le sort de la couronne paraît en jeu, en quelque sorte. Alors, François Ferdinand va être assassiné avec sa femme donc le 28 juin 1914 à Sarajevo, qui est la capitale de la Bosnie-Herzégovine, qui est revendiquée par les Serbes. Oui, alors la Bosnie... C'est une histoire compliquée aussi, ça. C'est une histoire compliquée. D'ailleurs, cette histoire, on l'a connue aussi dans les années 90, hein, avec la guerre de l'ex-Yougoslavie. La Bosnie-Herzégovine appartenait à l'Empire Ottoman. Hein. L'Empire Ottoman, pendant tout le 19e siècle, n'a cessé de reculer. C'est l'homme malade de l'Europe. En 1914, c'est plutôt l'Autriche-Hongrie qui est l'homme malade de l'Europe. Et elle a perdu, elle a fini par perdre tous ses territoires. Et la Bosnie-Herzégovine, elle l'a perdue en 1878. Et c'est l'Autriche qui l'administrait, officiellement restait un territoire ottoman. Et en 1908, elle l'a annexé, ce qui a provoqué la colère de la Serbie, parce que ce territoire, la Bosnie, est peuplé à 50% de Serbes. Un Bosniaque, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est soit un Croate, soit un Serbe, ou un Croate ou un Serbe devenu musulman. Voilà, donc c'est un territoire qui est lorgné hein, par la Serbie, qui rêverait de s'agrandir et de créer une grande Serbie ou une Yougoslavie dans laquelle elle pourrait rassembler tous les Slaves du Sud. Donc c'est dans ce contexte que va arriver cet assassinat, donc le 28 juin 1914. Grâce à vous, Jean-Yves Le Naour, donc on va découvrir cette histoire à travers le regard de François Ferdinand lui-même. Nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes, si vous êtes d'accord, pour continuer cette discussion. Tout de suite, Sarajevo, mon amour, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, un texte donc de vous, Jean-Yves Le Naour, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Aussire. Vous croyez que j'ai demandé à lui succéder ? Vous croyez que cela m'amuse de prendre la couronne au milieu de cette tension diplomatique ? Et cette étiquette étouffante. Je n'ai ici dans ce palais que les ennemis. Ah, je vous garantis une chose. Si je m'installe sur le trône, je vais faire le ménage. Juin 1914, au palais de Schönbrunn, la résidence impériale des Habsbourg à Vienne. L'homme de 51 ans, qui avance d'un pas décidé et la mine renfrognée, imposant avec son gros ventre et ses moustaches à pointe, n'est autre que Son Altesse, l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, prince de Hongrie et de Bohême, duc de Modène, de Reggio et de Massa, prince de Carrare... Ça va, ça va. C'est cela, s'il vous plaît. Eh bien, mon neveu, toujours aussi impulsif. Mon oncle... Vous avez mes respects. Tes respects. Il me semble que tu ne respectes pas grand-chose, à commencer par la tradition. Mon oncle, notre pays s'est ossifié dans la tradition. Il est temps de la bousculer si nous voulons vivre ailleurs que dans un musée entouré de nos gloires passées. Tu es un révolutionnaire, en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, je crains fort que tu ne te sois dérangé pour rien. C'est moi qui passerai les troupes en revue tout à l'heure. Dans ce cas, pourquoi m'avoir nommé inspecteur général de l'armée si vous ne m'associez à aucune manifestation militaire ? Tu es bien pressé, mon neveu. Prends patience. T'en reviendras quand je l'aurai décidé. Pour l'instant, je fais mon devoir. Le devoir, sais-tu ce que c'est ? C'est une chose impérieuse à laquelle un souverain ne saurait se soustraire. Il faudra que tu le comprennes un jour. Mais tu peux te joindre à ma suite si cela ne t'est pas trop pénible. Oh, je suis désolé, Votre Majesté. J'ai un autre devoir à accomplir. Celui auquel vous n'avez jamais rien entendu. Le devoir d'un père de famille. L'insolent. Pourquoi m'avez-vous fait Habsbourg ? François Ferdinand n'était pas destiné à régner. L'empereur François-Joseph et sa femme Élisabeth, la célèbre Sissi, avaient un fils, Rodolphe, mais il s'est suicidé à Mayerling en 1889. Dès lors, c'est le frère cadet de l'empereur qui devenait l'héritier putatif, mais celui-ci est décédé en 1896 de la fièvre typhoïde. Son fils, François Ferdinand, s'est retrouvé alors premier dans l'ordre de la succession. Mais cet amateur de chasse n'a aucune envie de cette responsabilité. Casanier, rebelle à l'étiquette qui l'envoie balader, il rêve d'une vie de bon bourgeois au milieu de son foyer, entouré de l'amour de sa femme Sophie et de ses trois enfants. C'est moi. Ça va, Franzi? Tu as l'air soucieux. Ah, mein Liebe. Oh, ce n'est rien, le vieux m'a encore fait cavaler juste pour m'humilier, une fois de plus. Ne sois pas trop dur avec lui. Et tu prends sa défense. Tu n'es pas rancunière. Peu m'importe que la cour me déteste et que l'empereur ne m'aime pas, puisque toi, tu m'aimes. Oh, ma chérie. Je bénis le jour où je t'ai rencontré. De toute la soirée, je n'ai pu détacher mes yeux de toi. La tête qu'ils faisaient tous. C'est surtout quand tu as voulu m'épouser qu'ils ont fait la grimace. Je crois qu'ils la font toujours, d'ailleurs. Ah oui, quel crime. Une comtesse désargentée, fichtre. Quel scandale. Un héritier du trône d'Autriche, cela épouse au moins... Une princesse italienne. Ah oui, ou bien... Une princesse américaine. Non, ça n'existe pas. Une princesse française. Ça n'existe plus. Une princesse anglaise, alors. Ah. Ou allemande. Eh, pourquoi pas. Mais c'est toi que je voulais. Le vieux en a fait une jaunisse. Et je crois qu'il n'est pas tout à fait guéri encore. À propos de ton oncle, nous sommes invités demain au Musikverein. On joue Lohengrin. Dans la loge impériale? Avec mon oncle? Oui. Si c'est encore pour nous humilier, c'est vraiment pas la peine de nous inviter. Oh, tu peux faire un effort, peut-être. Oh, on verra. N'en parlons plus. Au moins, ce soir, nous sommes tranquilles en famille. J'en ai assez. Je ne supporte plus les hypocrisies de cette cour surannée. Quand ma femme est à mon bras, ils sont bien obligés de la tolérer. Mais dès qu'elle se retrouve seule, ils lui font sentir sa position inférieure. Aux réceptions, elle est en bout de table, à côté des enfants. On ouvre les deux battants des portes quand je traverse le palais, mais un seul battant pour elle. On la fait descendre de la voiture impériale parce que j'en suis descendu. Elle n'a pas le droit d'y rester parce qu'elle n'est pas de sang royal. Je les hais, toutes ces vieilles momies. Demain, au Musikverein. On verra bien. Inaugurée en 1870, la salle de concert du Musikverein abrite l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Ce palais consacré à la musique est encore aujourd'hui considéré comme l'une des plus belles salles de concert au monde. En 1914, la bonne société autrichienne y va autant pour se distraire que pour se montrer. Comment ? Comment avez-vous osé nous séparer, Sophie et moi ? La loge impériale est pour la famille impériale. Sophie est ma femme. Morganatique, tu n'oublies quand même pas que tu l'as épousée sans mon consentement ? Ce n'est pas grave, Franzi. Je vais prendre ma place dans la loge à côté. Elle est très confortable. Non, ne bouge pas, Sophie. Si ma femme ne peut pas assister au spectacle dans la même loge que moi, alors je n'y assisterai pas non plus. François Ferdinand, tu veux donc me faire un affront ? N'inversons pas les rôles, mon oncle. Sophie, nous partons. Nous allons rater Lohengrin. Oh, pour ce que j'en ai à faire de Wagner. Et puis ce sera avec toi ou pas du tout. J'en peux plus de ce vieux débris. Ne parle pas comme ça de l'empereur. Il croit faire pour le mieux en conservant la tradition. Épouser des femmes que l'on n'aime pas et confier ses enfants à des gouvernantes. C'est ça, leur tradition? Mon neveu, reviens immédiatement, remplis les obligations de ta charge. C'est fini, mon oncle. Je ne paraîtrai plus à vos côtés et encore moins à la cour. Prends garde. Ton cousin Charles pourrait te remplacer avantageusement. Il est jeune, mais obéissant, lui. Grand bien lui fasse. Et j'en serais fort heureux. Mais l'empereur oserait-il donc violer la tradition ? Je ne peux en effet te démettre. Tu dois apprendre à obéir. Le pouvoir est une charge, il n'est pas liberté. Et en quoi l'amour est-il désobéissance ? Je vous prie. Excusez-moi, Sophie, je n'ai rien contre vous, mais... Vous le savez, vous n'êtes pas de sang royal. Vous n'êtes pas issu d'une dynastie régnante. Votre union est une mésalliance inacceptable pour le trône d'Autriche. Nous n'avons plus rien à nous dire, mon oncle. Attends ! François Ferdinand, s'il te plaît, enterrons l'âge de guerre. Je m'engage à associer ta femme à tes obligations. Comment cela ? Que dirais-tu d'un voyage en Bosnie, avec inspection des troupes en manœuvre et réception à Sarajevo ? Non, ce serait un grand honneur. Eh bien, tu iras avec Sophie. C'est entendu ? Votre Majesté, je suis... Ce sera pour le 28 juin. Tu n'y vois pas d'inconvénient ? Non, mon oncle, c'est parfait. Je vous suis très reconnaissant. Et maintenant, allons écouter Lohengrin. Capitule, tu te rends compte ? Terminé l'ostracisme. Nous allons paraître ensemble, publiquement. C'est formidable, Franzi. Et pour quand ce voyage à Sarajevo est-il prévu ? Le 28 juin. Le 28 juin ? Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas, Mme Liebe ? Ne me dis pas que tu ne pourras pas m'accompagner. Non, non, Franzi, tout va bien. C'est une excellente nouvelle. Bien. Oh, ça alors. Écoute ça, Sophie, on annonce déjà notre déplacement. Son Altesse François-Ferdinand de Habsbourg, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, blablabla, fera l'honneur de se rendre en Bosnie, accompagné de son épouse, le 28 juin prochain. Après avoir assisté aux manœuvres de notre grande armée, il sera reçu à Sarajevo par le gouverneur militaire de la province, le général Poturek. Les représentants de la cité bosniaque ont déjà émis le souhait de recevoir le couple impérial pour leur exprimer toute la loyauté et le respect des populations de ces confins reculés de notre bel empire. Et pourquoi ne pas publier notre itinéraire aussi ? Que veux-tu dire ? Rien, Franzi. Fais attention, le thé est encore chaud. Merci. Ce que François Ferdinand ignore, c'est que son oncle, l'empereur François-Joseph, vient de lui faire un cadeau empoisonné. D'ailleurs, il ne tarde pas à s'en apercevoir. Depuis que sa visite est annoncée, il reçoit quantité de lettres anonymes le menaçant d'un assassinat s'il ose se rendre à Sarajevo. Arraché à l'Empire ottoman en 1878, mais officiellement annexé à l'Autriche en 1908, la Bosnie-Herzégovine est peuplée d'une grande partie de Serbes. Or, Belgrade, la capitale serbe, n'accepte pas cette annexion et rêve pour sa part d'une grande Serbie qui réunirait tous les Slaves du Sud sous son autorité. Déstabilisation, financement des nationalistes, la petite Serbie cherche à nuire à sa puissante voisine par tous les moyens. Vienne lui réglerait bien son compte, mais elle est alliée à la Russie. Entrer en conflit avec la Serbie, c'est risquer d'entraîner toute l'Europe dans la guerre. Scheiße. Encore une lettre d'intimidation. S'ils croient qu'ils vont me faire peur... Et ça ? Un petit cercueil à mon nom. Bande de saligots. Franzi, il y a là un évêque qui veut te voir. Un ecclésiastique ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Monseigneur, quel bon vent vous amène ? Je crains que ce soit un vent mauvais, Votre Altesse. Je suis venu vous avertir. Cette idée d'un voyage officiel en Bosnie est, à mon humble avis, une erreur. Tiens, tiens. Un verre de Tokay, monseigneur ? Non, merci, Votre Altesse. Ah, bien entendu. Vous ne buvez que du vin de messe. Et pourquoi une erreur, je vous prie ? En tant qu'évêque de Sarajevo, je puis vous garantir qu'une majorité de Serbes de Bosnie nous sont hostiles. Un mauvais coup n'est pas impossible. Voyez-vous, l'annexion ne date que de 5 ans, c'est encore très jeune. Rappelez-vous, à l'époque, nous avons frôlé la guerre avec la Russie. Et la propagande serbe fait tout pour empoisonner la situation. Le nationalisme pan-serbe est un terrible fléau dans la région. La Bosnie fait partie de l'Empire. J'y suis donc chez moi. J'en conviens, Votre Altesse, mais pourquoi faire connaître si tôt à l'avance votre déplacement? Vous donnez le temps à d'éventuels criminels de se préparer. Un archiduc n'a rien à cacher à son peuple. Et il n'a pas peur de lui. Ce n'est pas de votre peuple que vous devez vous garder, mais des basses manœuvres de la Serbie. Et pourquoi avoir choisi la date du 28 juin? Vous agitez le chiffon rouge sous le nez des nationalistes. Comment cela? Vous l'ignorez donc? Le 28 juin est la fête nationale serbe. Que vous veniez ce jour-là arpenter une région revendiquée par Belgrade peut être perçue comme une provocation. Sacre bleu! La peste soit. C'est donc cela. Je ne comprends pas votre Altesse. Je vous remercie, Monseigneur, de m'avoir fait part de votre avis éclairé. Laissez-moi vous raccompagner. Le 28 juin, c'est le Vidov Dan, une des rares fêtes nationales au monde à commémorer une défaite, celle des Serbes face aux Ottomans en 1389. Ils entraient alors dans la domination ottomane pour 5 siècles. Mais cette défaite était aussi le début de leur résistance. C'est pourquoi le jour du Vidov Dan est une fête sacrée. Dès lors, venir parader à Sarajevo sous le nez des Serbes, dans une région qu'ils revendiquent, n'est pas forcément très intelligent. Voilà le sale coup qu'ils me réservent. On veut me voir reculer. Menaces de mort, pressions amicales. Ils veulent me foutre la trouille. Et même, il ne serait pas fâché que je renonce à la couronne. Je ne leur ferai pas ce plaisir. En attendant, je dois tout supporter. Il y a peu, lors d'une réception, mon oncle a porté en ma présence un toast à l'archiduc Charles. Il a dit... À toi, Charles, les fruits de tout mon travail et de tous mes soucis. Que Dieu te protège. J'étais là, et c'était comme si je n'existais pas. Comme si c'était Charles qui allait lui succéder. Je bouillais. Non, Franzi, s'il te plaît. Ne te mets pas en colère, c'est ce qu'ils recherchent. Ils veulent te montrer sous un jour arrogant, violent. C'est donc à nouveau pour m'humilier que vous m'invitez, mon oncle? Voyons, mon neveu, tu sais bien que je respecte les règles. À ta différence. Tu seras donc empereur. Si Dieu le veut. Franzi, allons danser. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu te souviens du bal? De ce bal où je t'ai rencontré? On voulait te marier à la fille de l'archiduchesse Isabelle. Et c'est sa dame d'honneur que tu as invitée à danser. Je danse encore avec elle. Je danserai toujours avec elle. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu sais, à propos de ce déplacement en Bosnie, tu n'es pas obligé de m'accompagner, Meine Liebe. Après tout, c'est pas très utile que tu viennes. Comment? Mais oui, ce sera fatigant, ennuyeux. Pour une fois que nous pouvons être ensemble, je veux être à tes côtés. Tu m'entends? Bon, très bien, très bien. Mais... les enfants. Il est inutile d'emmener les enfants, n'est-ce pas? Non, pas les enfants, ils ne viendront pas. Ce sera toi et moi. Oui. Toi... Quelques jours avant le départ de Son Altesse impériale vers la Bosnie, l'ambassadeur de Serbie à Vienne rend visite au ministre des Finances. Une démarche amicale, dit-il. Il n'a pas voulu se rendre au ministère des Affaires étrangères où sa venue aurait soulevé la curiosité. Pourtant, la mission dont il est chargé est de première importance. son gouvernement a de bonnes raisons de croire qu'un complot se prépare à l'occasion du voyage de l'archiduc en Bosnie. Rien de certain, juste un avertissement. Comme on croit à une manœuvre pour décourager un voyage officiel le jour du Vidovdan, on ne donne pas suite. L'information n'est même pas communiquée aux autorités sur place. Juste de l'intox, on vous dit. De l'intox. Pendant ce temps, à Sarajevo... Quelle bande de lâches! D'un côté, les services secrets serbes me donnent des armes, des bombes et de l'argent. De l'autre, le gouvernement joue la prudence et fait en sorte que le courroux de l'Autriche ne retombe pas sur la Serbie au cas où je réussirais mon coup. Ils n'ont rien compris. Seule la guerre pourra libérer nos frères slaves du joug des Habsbourg. Vive la guerre! Plus tôt elle viendra, et mieux ce sera. Il s'appelle Gavrilo Princip. Ce bosno-serbe de 19 ans, adhérent du groupe nationaliste Jeune Bosnie, est un exalté, décidé à sacrifier sa vie pour la cause de la Grande Serbie. Depuis plusieurs jours, il s'entraîne au tir et avec 6 autres conspirateurs, équipés de bombes et de revolvers, il attend avec impatience la venue de François Ferdinand à Sarajevo. Pas de plan précis, ils se disposeront sur le parcours, au hasard, et agiront si la situation le permet. En un mot, une improvisation de pieds nickelés. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On va quand même pas passer la soirée ici. Une heure de retard déjà. L'archiduc s'impatiente. Les freins du wagon impérial sont bloqués en gare de Vienne et les cheminots n'arrivent pas à les desserrer. Comme si le train ne voulait pas partir. Seule solution, abandonner le wagon impérial pour monter dans un vulgaire wagon de première classe. Mais à peine parti, voilà que c'est l'électricité qui tombe en panne. Oh! Ça commence bien. Ce n'est pas grave, Franzi. On va nous apporter des bougies et nous lirons à leur lumière comme autrefois. Oh, charmant. On se croirait dans un tombeau. Enfin, c'est la nuit. Je ne tarderai pas à m'endormir. Enfin, le 26 juin 1914, l'archiduc et son épouse prennent leur quartier à Ilidza, à quelques kilomètres à peine de Sarajevo. C'est une ville thermale où règne la tranquillité. Nous sommes très bien ici. C'est surtout la seule ville de Bosnie où l'on trouve des hôtels à peu près corrects. De toute façon, je ne suis pas ici pour faire du tourisme. Je dois inspecter l'armée. Les 26 et 27 juin, l'archiduc assiste comme convenu aux manœuvres militaires. Quelle magnifique armée! Les manœuvres vous donnent-elles satisfaction? Elles se déroulent à merveille. Nous avons de bons soldats. Si demain nous entrions en guerre avec la Serbie, je puis vous assurer que nous la réduirions en poussière. La guerre avec la Serbie? À Dieu ne plaise, général. Je ne comprends pas, votre Altesse. Ce sont nos ennemis. Si nous les reçons, nous en serons débarrassés une fois pour toutes. Au risque de vous décevoir, général, je crois que nous n'y gagnerions rien. Que nous rapporterait la victoire? Un tas de voleurs, d'assassins, de bandits, et quelques preniers par-dessus le marché? Somme toute, plus de racailles encore, des pertes militaires immenses et quelques milliards de frais. De plus, il est peu probable que nous terminions l'affaire sans être interrompus par la Russie. Croyez-moi, la guerre contre la Serbie est une grosse erreur. Mais... Je savais que je l'ai vous heurté, général. Oublions cela. Je vous attends tout à l'heure pour le dîner de gala. Alors, Sophie, finalement, nous passons du bon temps ici. Quand je pense que je me faisais du souci. C'est vrai. Je n'ai rencontré que des sujets loyaux qui ont le plus grand respect pour l'Empire. Partout sur mon chemin, les gens me saluent avec déférence. Tu m'en vois heureux. J'avais tellement peur. Enfin, vivement demain soir, que nous repartions à Vienne. Mesdames, messieurs, je propose de porter un toast à nos altesses qui nous font l'honneur de leur présence. Moi, je lève mon verre à vous, général. Et à la grande armée austro-hongroise qui a été impeccable durant ces manœuvres. S'il plaît à votre Altesse, je pars demain pour la Voïvodine inspecter les troupes. Ce sont des régiments de choc. Souhaitez-vous m'accompagner? Le visage de l'archiduc s'éclaire. Pourquoi pas, après tout? Mais le gouverneur militaire de Sarajevo, qui tient à la manifestation prévue le lendemain dans la capitale bosniaque, rappelle à François Ferdinand qu'il est attendu. Eh bien, je reviendrai un autre jour. Le gouverneur se décompose. Tout est prévu. Réception à l'hôtel de ville de Sarajevo. Revue des troupes. Visite d'une mosquée. Oh, c'est pas si grave. Je reviendrai, vous dis-je. Alors, le gouverneur donne son dernier argument. Que pensera-t-on à Vienne et à Belgrade si son Altesse annule la visite du 28 juin ? On dira qu'il a eu peur. Oh, c'est bon, c'est bon. Je serai là demain. Il ne sera pas dit qu'ils me traiteront de lâche. Le lendemain, 28 juin, au petit matin, Gavrilo Principe et ses amis se réunissent dans un cimetière. Là. C'est ici. C'est cette tombe. Recueillez-vous, mes amis. Ici repose Bogdan Zeraïch. C'était l'un des nôtres. Il y a 4 ans, il a tiré sur le gouverneur militaire de Sarajevo. Il l'a loupé, mais nous allons réussir. Jurons de tuer l'héritier de la tyrannie. Nous jurons. Bogdan s'est suicidé pour échapper à la justice du tyran. Jurons que nous aussi, nous utiliserons nos capsules de cyanure. Nous jurons. Aujourd'hui, c'est Vidov, Dan. Le jour de notre fête nationale. Il y a plus de 500 ans, nous avons perdu notre indépendance face aux Ottomans à la bataille de Kosovo. Mais ce jour-là, le chevalier Obilić est parvenu à tuer le sultan. Nous sommes tous des Obilić. Jurons. Nous jurons. Nous avons renversé le joug des Ottomans, mais il nous reste à nous libérer des Habsbourg. Dans quelques heures, nous serons des héros. Voici vos bombes. Vos revolvers. Bonne chance à tous. Et n'oubliez pas, nous allons changer l'histoire. Ce même matin, après avoir communié à la messe, François Ferdinand et Sophie prennent place dans une automobile, une décapotable, qui se distingue par le drapeau noir et jaune, les couleurs de la maison des Habsbourg. Deux voitures ouvrent la marche et une autre suit derrière, avec des officiels et des aides de camp. La population d'Ilidza fait une haie d'honneur à leurs hôtes. Des femmes lancent des pétales de roses et partout sur le chemin, les hommes saluent en agitant leurs chapeaux. Oh, quel agréable voyage. Quels gens sympathiques. À 10h, le convoi entre dans Sarajevo, salué par des tirs de canon. La foule massée sur les trottoirs agite des drapeaux noirs et jaunes. Et tout d'un coup, sur le quai Appel... À mort le tyran ! Mon Dieu. Tu vas bien, Sophie ? Non. La bombe a ricoché sur la capote et elle a explosé derrière nous. J'ai bien peur que la voiture qui nous suit ait été touchée. Arrêtez-vous ! En dépit de toutes les consignes de sécurité, François Ferdinand fait arrêter sa voiture et s'enquiert de la santé des hommes de sa suite. Le colonel Merizzi et le comte Fosvaldek sont touchés. Ils saignent en abondance, mais il n'y a rien de grave. Emmenez-les à l'hôpital, vite ! Je me rejoins dans quelques minutes. Le responsable de l'attentat, lui, a été arrêté presque immédiatement. Heureusement que la police était présente, sans quoi il aurait été lynché par la foule en furie. François Ferdinand lui lance un regard haineux. Misérable. Quel pays de sauvage. Mais tu es blessée, Sophie. Ce n'est rien, Franzi. Juste une égratignure, un éclat sans doute. S'il t'avait atteint, je l'aurais tué de mes mains. Ce n'est rien, mon chéri, tout va bien. Il y a eu plus de peur que de mal. Il faudra quand même se dépêcher de le pendre. Sans quoi Vienne le fera décorer. La voiture de l'archiduc parvient à l'hôtel de ville de Sarajevo. Les élus et les officiels, en haute forme ou en fez, qui ignorent tout de ce qui vient de se produire, font une haie d'honneur. Une petite fille attend sur les marches avec une corbeille de fleurs et le maire s'avance respectueusement avec un compliment à la bouche pour souhaiter l'hospitalité au couple archiducal. François Ferdinand l'interrompt brutalement. Merveilleux accueil, en effet. Monsieur le bourgmestre, à quoi bon ce discours ? On vient de nous lancer une bombe. C'est indigne. Franzi, ce sont nos amis, ils n'y sont pour rien. Prends sur toi, s'il te plaît. C'est bon, je vais faire un effort. Mais on ne reste pas longtemps, je vais aller à l'hôpital pour voir mes hommes au plus vite. Apportez-moi mon discours. Un officier lui apporte un papier froissé, taché de sang. Il était dans la poche de veste du colonel Merizzi, s'excuse-t-il. Sans mon officier ? Sacrebleu ! Non, je ne peux pas continuer cette comédie. Qu'on me conduise immédiatement à l'hôpital. Des officiers veulent le convaincre d'attendre que l'armée se déploie dans les rues. La ville n'est pas sûre. Il y a peut-être d'autres terroristes. Mais le gouverneur militaire s'y oppose absurdement. Au nom du règlement, c'est autre étiquette. Les troupes qui rentrent de manœuvre sont en tenue de campagne. Et le règlement interdit les haies d'honneur avec cet uniforme. Avant de déployer les soldats, il faudra donc qu'ils se changent et revêtent leur tenue de parade. On frise le grand guignol. Je me moque de vos uniformes, de votre visite, de vos musées, de vos discours et de vos repas de gala. Je vais à l'hôpital, puis je rentre à Vienne, où cela va chauffer pour vos abattis. Croyez-moi ! Sophie, ma chérie, si tu restais ici à l'hôtel de ville, on te reconduirait tout à l'heure à Ilitza et je te retrouverai à la gare. Il n'en est pas question. Voyons, meine Liebe, ça n'est pas prudent. Je suis venue avec toi et je partirai avec toi. Un aide de camp le conjure de monter dans une voiture couverte, de ne pas reprendre la décapotable. Mais François Ferdinand ne veut rien entendre. Merci, mon ami, mais un prince héritier n'a pas peur. Je dois le montrer aux Serbes, comme à mon peuple. Après toi, Sophie. À l'hôpital, vite ! Le gouverneur militaire est monté à côté du chauffeur. Un aide de camp a bondi sur le marchepied. Cela paraît ahurissant, mais une seule voiture les accompagne, avec uniquement le chef de la police à l'intérieur. Au même moment... Pardon, monsieur le policier, j'ai entendu une détonation tout à l'heure. Vous savez ce qui s'est passé ? L'empereur, il a été victime d'un attentat. Oh, un attentat ? Son Altesse n'a pas été touchée au moins ? Non. Heureusement. Rien du tout. Vous êtes sûr ? Tant mieux, tant mieux. Allez, circulez. Nous l'avons raté. Nous sommes des ratés. Nous ne serons jamais des héros. Tout est foutu. Le conducteur de la première voiture ne sait pas que le programme a été annulé et que le prince héritier exige de se rendre à l'hôpital. Il prend donc le parcours officiel. Dans la voiture de l'archiduc, le gouverneur militaire s'aperçoit de l'erreur et demande au chauffeur de s'arrêter et de faire demi-tour pour prendre la route de l'hôpital. Le destin a voulu que la voiture s'arrête devant Gavrilo Principe. C'est pas possible. L'archiduc. Allez, allez, courage. Maintenant ou jamais. Tout se passe très rapidement, en une à deux secondes seulement. Gavrilo Principe sort le revolver de sa poche, bondit sur le marchepied et tire deux fois, presque sans regarder. Des policiers, des citadins se précipitent sur lui. Il cherche sa capsule de cyanure. Trop tard, le tueur est saisi au bras par le cou. Ils l'ont eu. François Ferdinand est sidéré. Une balle a atteint son cou et traversé la jugulaire. Il porte la main sur la blessure qui saigne abondamment. Il regarde sa main, trempée de sang, mais il ne dit rien, effaré. Puis il se tourne vers sa femme et la découvre déjà évanouie, une blessure à l'abdomen. Non, Sophie, Sophie ! Ne meurs pas, Sophie, s'il te plaît. Reste en vie pour nos enfants. L'archiduc prend sa femme par l'épaule, il veut la secouer pour la réveiller. Mais elle est inconsciente, elle se meurt. Alors, il pleure, il implore. Ma chérie, s'il te plaît. Ne meurs pas! S'il te plaît! Ma voix faiblit, je le sens. Mes yeux se ferment. Le sang me coule de la bouche. Sophie, Sophie. Son aide de camp s'est précipité à son secours. Désemparé, il lui demande s'il a mal. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce sont les derniers mots de François Ferdinand. Ce n'est rien. À Vienne, en apprenant la nouvelle, son oncle, l'empereur, n'est nullement attristé. On n'insulte pas le Tout-Puissant en vain. Une puissance plus haute a rétabli l'ordre que je n'avais pas su maintenir. Triste ironie de l'histoire, le gouvernement austro-hongrois se sert alors de la mort du prince qui ne voulait pas la guerre pour la déclarer enfin à la Serbie. Une guerre qui doit être courte, fraîche et joyeuse. Si jamais la Russie veut intervenir, Vienne compte sur l'allié allemand pour lui faire entendre raison. Mais rien ne se passera comme prévu. La balle qui a assassiné François Ferdinand tuera 10 millions de personnes et changera l'histoire du monde. Pour l'heure, à Vienne, on ne décrète pas le deuil national, on ne place pas les drapeaux en berne et l'on dit aux monarques qui veulent se rendre aux obsèques que c'est inutile, que la cérémonie se déroulera dans la stricte intimité familiale. On songe même un instant à me séparer de ma femme, en m'enterrant dans la crypte des Capucins, là où reposent les morts de la dynastie impériale. Mais j'avais prévu le coup et rédigé un testament où j'exprimais le vœu de reposer aux côtés de ma femme Sophie dans mon château de Conopiste, en Bohême, pour l'éternité. Sarajevo, mon amour, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand de Jean-Yves Lanaour avec François Ferdinand, Jean-Paul Borde, l'empereur François-Joseph, Christian Drillo, la comtesse Sophie Chotek, Lara Sueux, l'évêque Laurent Motte, un général Jean-Alain Velardeau, Gavrilo Principe, Émeric Le Cerf, le policier Laurent Lafuma et les voix de Damien Pézan et Hervé Cantric, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Julien Douminc et Frédéric Changenet, assistante à la réalisation, Alexandra Garcia-Villa, réalisation, Cédric Ossir. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, nous continuons de parler de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 1914 avec mon invité Jean-Yves Le Naour. It's late. Getting later, later on. Have you faith? It ain't water I want. If I don't think, I don't think of you. If I don't move, I don't follow. Set a place at the table and become my own stranger. My stride. Alison Mosshart, It Ain't Water sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Gilles Gaillard. Jean-Yves Velnaour, le destin de François Ferdinand est vraiment tristement ironique. Oui. C'est cet homme qui ne voulait pas régner, qui voulait vivre tranquillement avec sa femme et ses enfants, est mort assassiné en représentant finalement de la dynastie et de l'Empire. Oui, on en connaît d'autres, des gens qui ne voulaient pas régner, et puis Louis XVI par exemple, qui se retrouve au pouvoir et sans vraiment l'avoir voulu. Et l'ironie vraiment de cette histoire, c'est que c'est l'homme qui ne voulait pas la guerre. Et on va se servir de son cadavre pour déclencher la guerre à la Serbie. On l'a bien vu quand le général en chef des armées austro-hongroises, général Konrad von Otzendorf, qui avait d'ailleurs réclamé à 25 reprises la guerre contre la Serbie en 1913, quand il dit un jour on fera la guerre contre la Serbie, François Ferdinand refuse, aucun intérêt. Ouais. On risque d'avoir la guerre avec la Russie. Et puis on n'a rien à y gagner. C'est pas l'homme de la guerre. Alors ce que vous montrez bien, Jean-Yves Velnaour, dans cette fiction, c'est que jusqu'au dernier moment, l'assassinat aurait pu être évité. Est-ce que François Ferdinand a été victime de sa propre imprudence et puis des négligences des autres ? Oui, c'est ça, c'est les deux. Alors sa propre imprudence, effectivement, il faisait beau ce jour-là. Alors il a choisi une voiture découverte. Ah, s'il avait mis une voiture couverte, les choses auraient été différentes. Et puis, après le premier attentat, il reprend une voiture découverte, la même voiture découverte. Donc il veut montrer qu'il n'a pas peur. Qu'il a quelque chose à montrer à son oncle, l'empereur, qui n'est pas un lâche. Oui. C'est ça. Il est surveillé par la cour, par son oncle. Il veut montrer à son peuple qu'il est, et aux Serbes, aux adversaires de sa dynastie, qu'il est à la hauteur. Il y a aussi quelque chose qui apparaît dans votre fiction, Jacques Velnaour, c'est qu'on a un peu l'impression que cette mort, elle arrange le vieil empereur. On a presque même l'impression, d'ailleurs ce sera dit après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, que cet assassinat fut le résultat d'un complot ourdi par l'Autriche elle-même. Ça, c'est un peu exagéré, probablement. Oui, c'est sans doute exagéré. Alors, j'ai utilisé ce ressort scénographique, bien sûr, parce que pour raconter une histoire, il faut des ressorts dramaturgiques. Mais comment François Joseph, malgré tout, il déclare que c'est pas très grave. C'est pas grave. La peine de venir aux funérailles de François Ferdinand. C'est quand même étonnant cette attitude. Oui, pas de drapeau en berne, pas de deuil national. Guillaume II et le roi des Belges, Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, le roi des Belges disent on va venir à l'enterrement. Non, ne vous déplacez pas, strict nature. Et effectivement, quand même, François-Joseph ira à l'enterrement alors qu'il n'était pas allé au mariage. Expliquer François Ferdinand avait violé l'étiquette, la tradition, la sainte étiquette dans cette monarchie, cette étiquette qui venait d'Espagne, qui était la plus rigide de toutes les dynasties. Et puis derrière, c'est pas seulement l'étiquette, il avait défié la tradition, il avait défié l'empereur. Alors bon, on pouvait pas le démettre. On avait fait en sorte que ses enfants ne pourraient pas régner. Voilà, donc on avait puni ce mariage morganatique. Mais c'était une mésalliance, on voulait le punir. Il s'était affranchi des règles, un mariage d'amour. Pensez donc, ça ne se fait pas. Le mariage, c'est une alliance entre différentes maisons. Il faut penser à la dynastie. Parce que vous avez François-Joseph, on a l'image de Franz avec Sissi, avec Romy Schneider, mais c'est pas ce beau jeune homme aimant, c'est pas ça du tout. C'est un homme beaucoup plus froid, un roi fonctionnaire. La pauvre Elisabeth, elle n'a pas rigolé tous les jours. On est loin de Sissi. Et le tueur Gavrilo Princip, donc un jeune Serbe de 19 ans, a-t-il agi seul ou a-t-il été armé par la Serbie ? Alors, toute la question est là, parce que l'Autriche, effectivement, quand elle a voulu faire la guerre, elle a utilisé le prétexte de l'attentat de Sarajevo et de la mort de l'archiduc pour déclarer la guerre à la Serbie. Et donc elle a rendu la Serbie responsable. Alors, la Serbie était-elle au courant ? Le gouvernement serbe était-il au courant ? Alors, ben oui et non. Non, parce que le gouvernement, semble-t-il, n'a pas de lien du tout avec cet attentat, et ça s'est quand même remonté à ses oreilles, puisque il a envoyé quand même son ambassadeur à Vienne aller voir un ministre. On n'a pas choisi le ministre des Affaires étrangères, Berchtold, on a choisi Bilinski, le ministre des Finances, mais on n'a pas tenu compte de ses avertissements. En revanche, les services secrets serbes, ils ont eu un rôle, c'est le colonel Dimitrijević qui est à la tête des services secrets, et par l'intermédiaire d'une association nationaliste, une organisation nationaliste qui s'appelle la Main Noire Secrète, on a armé de bombes et de pistolets ce Princip et ses cinq autres conjurés. Donc il y a effectivement les services secrets, mais si vous voulez, en Serbie il y a un double jeu. Il y a ceux qui veulent le compromis, il faut pas trop provoquer l'Autriche-Hongrie qui est quand même la grande puissance à ses côtés, et puis ceux qui veulent la guerre, parce que la guerre ça sera le seul moyen, à condition évidemment que la Russie les épaule, ça sera le seul moyen pour créer cette grande Serbie. Il y en aura pas d'autre, et la Serbie toute seule ne pourra pas faire la guerre et la remporter face à l'immense empire austro-hongrois. Donc il faudra une guerre générale. Donc il y en a qui sont prêts à assumer une guerre mondiale pour faire réchauffer leur petite soupe sur le petit feu. Par quel mécanisme l'assassinat donc du 28 juin 1914 va-t-il déclencher la Première Guerre mondiale ? Tout de suite à Vienne, on est résolu à faire la guerre. En 1913, on avait demandé, je vous l'ai dit, à 25 reprises, le général en chef avait demandé à 25 fois, l'empereur François-Joseph avait dit non, non. Il faut dire aussi que derrière, il y avait Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, qui disait « Oh, vous faites trop de bruit avec mon sabre ». Il savait très bien, Guillaume II, que si l'Autriche entrait en guerre, la Russie risquait d'entrer en guerre, parce que la Russie défend la Serbie. Et alors, comme l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne sont alliés, l'Allemagne devait entrer en guerre. Et donc, voilà, à la fin, c'est la guerre mondiale. Sachant que la France est alliée à la Russie, vous voyez, il y a une mécanique des blocs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Autriche, elle est résolue à entrer en guerre, mais il lui faut le soutien de l'Allemagne. Donc, on demande discrètement le 5 juillet 1914 à l'empereur, Guillaume II, qui dit, alors, au nom du principe dynastique, on vous a tué votre héritier, il n'y a pas de problème, c'est un cas de légitime défense, je vous soutiens, personne n'osera entrer en guerre contre vous, c'est vraiment, c'est de légitime défense, vous avez tout à fait le droit. Il est persuadé de ça, qu'il n'y aura pas de guerre européenne. Le chancelier Bethmann-Hollweg également dit, on vous soutient. Voilà, ça c'est le 5 juillet, et aussitôt, ils se mettent à rédiger un ultimatum qu'ils vont envoyer à la Serbie. Il leur a envoyé assez vite, mais il y a une visite du président du Conseil français, du président de la République en Russie. Donc on va finalement l'envoyer le 23 juillet quand ils sont en mer et qu'ils ne peuvent plus se concerter. Mm-hmm. Poincaré, Viviani avec le tsar, ils ne peuvent plus se concerter. Donc on brouille les communications, les Allemands brouillent les communications pour séparer donc les alliés français et russes. Et voilà, il y a cet ultimatum et les Serbes y répondent le plus favorablement possible, parce qu'ils savent très bien que l'Autriche cherche un prétexte. Évidemment, il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter, c'est que les policiers austro-hongrois puissent arrêter qui ils veulent sur le sol serbe. Et à partir de là, si comme ils refusent une des conditions, l'Autriche se met à bombarder Belgrade le 28 juillet, et là, la guerre est inévitable. Et que va-t-il arriver à Gavrilo Princip et à ses compagnons ? Alors, ça c'est une drôle d'ironie aussi, c'est que Gavrilo Princip était très jeune, 19 ans, et donc il n'était pas majeur. La majorité, je ne sais plus, c'est 20 ans, 20, 21 ans. On est en Autriche-Hongrie. C'est un sujet bosno-serbe. C'est donc un sujet autrichien. Et donc, il ne peut pas être condamné à mort. Il y a plusieurs des conjurés qui sont condamnés à mort, mais pas lui parce qu'il est mineur. Alors il sera enfermé à la forteresse de Theresienstadt, qui sera plus tard un centre de concentration de la Gestapo absolument horrible, où mourra le poète Robert Desnos. Il est enfermé dans une cellule. Il n'est vraiment pas bien traité parce que Il meurt en 1918. Hein, voilà. Donc vous voyez, il n'a pas été bien traité. Surtout qu'on lui a démis le bras lors de son arrestation. On lui a jamais remis. Ouais. Il n'y a que deux qui vont survivre assez longtemps. C'est Popovic, qui deviendra un enseignant, qui mourra en 1980, et Kubrilovic, qui deviendra aussi enseignant et qui mourra en 1990. Tous deux des héros yougoslaves. Bien sûr. Quel est le souvenir qu'on garde d'eux en Serbie ou en Bosnie ? Eh bien, ce sont des héros, parce que grâce à eux, il y a eu la guerre et on a pu bâtir la Yougoslavie. Et figurez-vous que j'étais en vacances il y a 2 ans en Serbie seulement, on trouve des magnettes à l'effigie de Princip. Princip est un héros. Ses cendres, d'ailleurs, ont été ramenées à Sarajevo. Dans le cimetière, vous avez une chapelle qui est dédiée à Princip, le héros serbe. Merci beaucoup, Jean-Yves Lenaour, de nous avoir rappelé cette histoire. À lire de vous sur ce sujet, l'intégrale des années 1914 à 1918, éditée chez Perrin, est disponible en poche. Vous êtes l'auteur aussi d'une bande dessinée, François Ferdinand, La mort vous attend à Sarajevo, joli titre, avec le dessinateur Chandre, paru aux éditions Bambou. À lire également sur le sujet, La grande guerre, d'Annette Becker et Stéphane Audouin-Rousseau, chez Gallimard, dans la collection Découverte. C'est fini pour ce soir, autant n'importe l'histoire. Vous pouvez réécouter, podcaster cette émission et toutes les autres sur notre site franceinter.fr. J'attends avec impatience vos commentaires sur le site ou sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en Écosse dans les années 20 avec Arthur Conan Doyle, où l'on verra que le génial inventeur de Sherlock Holmes pouvait être aussi dans la vraie vie un redoutable détective capable de mettre au jour une terrible erreur judiciaire. Sir Conan Doyle et l'étrange affaire Marion Gilchrist, c'est dimanche prochain à 21h sur France Inter.